secret d'État explosif. 7000 pages qui racontent 30 ans de mensonges de la Maison Blanche. Deux journalistes prêts à tout pour la vérité. C'est légal, ça ? Meryl Streep, Tom Hanks, Pentagon Papers, publier ou se taire. Si nous, on leur demande pas des comptes, qui le fera ? Pentagon Papers, le film événement de Steven Spielberg, actuellement au cinéma. Un film Europe 1. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 25 janvier avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 25 janvier 83, on est en Bolivie le jour de l'arrestation d'un certain Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Barbie n'a pas volé ce surnom, il était le chef de la Gestapo dans la capitale des Gaules. Il a déporté des centaines de juifs, des enfants notamment, beaucoup de résistants aussi. Depuis la fin de la guerre, il est recherché, il a été condamné deux fois par contumace. Et comment le retrouve-t-on en Amérique du Sud ? Ah mais ce sont Serge et Beate Klarsfeld, les chasseurs de nazis, vous savez, qui ont repéré sa trace en 1971. Il était caché en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann. Il a refait sa vie là-bas, hein, comme beaucoup de nazis, avec la nationalité bolivienne, une entreprise d'exploitation de bois, et il a ensuite une petite compagnie maritime. Il vit donc très bien depuis 25 ans. Il nie être Barbie, évidemment. Il dit même qu'il ne connaît pas le français. Sauf qu'il est interviewé par le journaliste de TF1, Ladislas de Hoyos, qui le piège en lui posant une question en français. Et Barbie, certes, répond en allemand, mais visiblement, il a très bien compris la question en français. On est là en 72, quelques mois plus tard, le criminel de guerre admettra qu'il est bien Klaus Barbie. Mais il a fallu attendre encore 10 ans pour le juger. 10 ans parce qu'il n'y avait pas de convention d'extradition entre Bolivie et France. Beate et Serge Klarsfeld, ainsi que la mère d'enfants déportés par Barbie, vont faire beaucoup de bruit pour attirer l'attention universelle. Il y a Régis Debray de son côté qui avait proposé de l'enlever. Vous savez, ce sera un échec. En 82, en Bolivie, l'opposition qui maintenant est favorable à la démocratie arrive au pouvoir et Barbie va être arrêté donc ce 25 janvier 83, extradé vers la France. Le procès ne commencera qu'en 1987 devant la cour d'assises du Rhône. Le boucher de Lyon sera reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à la prison à vie. Il mourra 4 ans plus tard derrière les barreaux. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission consacrée au 50e anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble.